9-2-9-3 style. Bestial. Yeah. I'm from Bestial. Success. Rhythm combat. Combat. Combat. Freestyle et puis je déballe tout quand je suis dans tes tapes, mes pattes volant vraiment, c'est clair que je suis dangereux pour toi garçon. Et puis de toute façon le boulogne pont largement, je représente et puis je roule pas sur largement la dream team, le prototype, l'équipe type, le portrait type, le type Kenix. Je comprends pourquoi tu flippes quand t'entends que mon crew est dans la place. C'est clair que ça te paralyse et gros, ça te le glace. Première mesure, je suis en mesure de lâcher les choses absurdes. Je suis sûr que c'est dur de suivre, mais moi je te jure que c'est pas fini. Le hip hop, je le développe jusqu'à l'infini. Represent ya, c'est comme ça que tout le monde me définit, car depuis tant qu'on clame, qu'on rame, qu'on dame des flammes, je t'assure, Sam, en nerveux, et puis que tout le monde s'énerve. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, l'air de rien, double R de faire, c'est la merde. Tu sais qui c'était, ce qui fâche, je suis sorti avec mon compadre, le Basta. Funk, funk, qui flex pour la fève 9-3. Je lâche pas, c'est qui pour tous mes renois, le B.O.S.S.P.1A, avec qui le hip hop roule. Sur un air de grabuge, une grosse garde de tag. Tu sais comment ça fonctionne, Renoir. Comment il faut que je sois là, au cœur du challenge. Ça me démange, qu'est-ce qu'il y a, j'en demande, même si t'attends que je me rende. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Cool chaîne, sorti, Bosta et Joe et Rosta. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Pas lâcher cher, beat de boule, flex, stable, et nique ta mère. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Cool chaîne, sorti, Bosta et Joe et Rosta. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Pas lâcher cher, beat de boule, flex, stable. On ramène toujours la même haine, Hold Sen Sen. L'ennemi saigne quand viennent Chen J, O, E et Y. Basta flex, Zox, eux au moins ils croquent et pas que les vides. Grec, les filles avec nous sont des règles, leur froc. Ma gueule, fixe et chic, mec tu coques. Break, si t'as pas les briques dans le sac, Jack net, tu bloques donc. En attendant, je change le script, tu danses strip, fais ta grippe, cet esprit que trop kiffe, bêtement. En attendant, Zox a mis vêtements du soirée. À la fin, tu dis tant de bière, il n'aurait pas dû boire. Puis ce mec est taré, mais ça vous avez déjà dû le voir. Pas voulu le croire et donc allez tout vous faire voir enfoiré. Quand je suis en soirée avec mes poses, que nos têtes sont zotes. Qu'avec les meufs on a la crosse, nos otes, nos noms sur ta liste. Car comme des terroristes ce soir on risque d'exploser la piste. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Cool chaîne, sorti, Bosta et Joe et Rosta. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Pas lâcher cher, beat de boule, flex, stable, nique ta mère. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Cool chaîne, sorti, Bosta et Joe et Rosta. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3, pas lâcher cher, beat de boule, flex, stable, nique ta mère. Quand Cool Chaîne, Zoxy, Busta, Joe et Rosta prennent le mic en main en maintenant la pression qu'est-ce à dire, à faire, à Paris, beat à la fin du titre. Yo, c'est seulement la préface, attends le premier chapitre. Mais pour l'instant, je vois des bastos, gratos, scrato, sommet du hip-hop pour être président comme le Clacos. Claquant, claquant, je balance des clacos, clic en cloque de cliché, clash de chez moi, ma cliché, entends le clocher du 9-3 qui résonne, plouk. 9-8, Busta, Zoxy et le Nico Mook. Avec des new styles, new phase, new rim, new look. Tu seras impressionné si tu jettes un coup d'œil sur mon bout. Aïe, tu crois que c'est plus sain de Zeppo sur un pleuson brûlé comme un Zippo. Même pour nous c'est du pipo. Mais tant que je me place en tant que chef la six en tant que baisse ton franc si mes soldats trouvent ta planque. C'est du freestyle, on est posé comme digital. 4 mailles comme le tribunal, qu'est-ce que tu dis au final? C'est de la bombe bébé. Dans la casa, je m'envole comme la NASA. Cap sur la planète, poche au Zaza. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Cool chaîne, sorti, Busta et Joe et Rosta. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. C'est cher, beat de boule, flex, stable, nique ta mère. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Cool chaîne, Zoxy, Busta et Joe et Rosta. Ça vient du 9-2, aïe, ça vient du 9-3. Pas lâcher cher, beat de boule, flex, stable, nique ta mère. Yeah, beat de boule, sage pour Zoxy pour le 9-2. Tchiki tchiki pour The Wizzy. Yeah, Busta, Cool chaîne, Joe et Star. 9-3, baby. Pour 9-8, la même pute de gars. Yo, pop. Ça vient du 9-2 et ça vient du 9-3. Ça vient du 9-2 et ça vient du 9-3. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.